Salut Charline. Oh ah ouais, final. Oh, les cochons, on est de sortie. Ah, il en manque une. Ah bah, oui. Bah, elle fait grève. Mais la nouvelle est là. Ah. Oui, bah moi aussi, je ferais bien grève. Mais tu sais que tu es en période d'essai. Oui, bah ça oui. va. Oui, voilà, mais t'inquiète pas, on va soutenir le combat à l'antenne. Ouais, ouais. Vous allez soutenir le combat en travaillant. Ouais, c'est ça. Ça ouais. Oui, mais en 40, les GI, ils se sont pas inscrits au Goethe Institute. Hein, hein mais bah oui, mais vous êtes même pas syndiqués, les gars. Ah bah on va aller se syndiquer. Ouais. Attends, attends, à quel syndicat on va? À la CGT. À la CGT, ils sont trop. Je trouve, ah ouais, tu vois. Mais trop... y a l'UNSA. Non, non, mais l'UNSA, ils sont pas assez. Non, mais on va s'inscrire à Sud alors. Charline, t'es du Nord. Et Alex, il va s'inscrire, Alex. Ouais. Bah, c'est pas sûr. Pour toi, il y a le MEDEF. Il y a le MEDEF. Ouais, ouais, ouais, c'est un syndicat, le MEDEF. Bon, les trotskistes, on va prendre une pièce de monnaie. Pile, c'est la CGT, face, c'est l'UNSA. Ok, okay, on y va. Okay. Allez, hop. Oh merde. Bah, alors, c'est quoi, c'est quoi? Bah, non, mais on voit pas, la pièce, elle est passée sous le meuble. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Peut-être un signe, les gars. Peut-être, peut-être. Ah non, non, non, on lâche rien là. Qui a le téléphone? Bah oui. Allô, l'intendance de la maison de la radio? Ouais, est-ce que vous pourriez envoyer quelqu'un pour bouger le meuble? Mais non, on ne déménage pas, on voudrait savoir si on va s'inscrire à Sud ou à l'UTSA. Alors, comment ça demain? Ah bah oui, ils sont en grève, les grèves. Bonjour la France Inter, groupons-nous et demain, bonjour à tous. Bonjour. Écoutez l'émission qui découpe ses banderoles dans les nappes du Phuket. Et voici les trois informations qu'on va peindre dessus jusqu'à 18h. La nouvelle génération de manifestants s'est levée. Et elle n'est pas virtuelle. Les jeunes sont descendus dans la rue. Je vais te dire un truc, mon Lolo. C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là, on va la gagner. Ouais. On peut bloquer les pubs sur Internet. Il existe des logiciels pour ça. Sauf que c'est la pub qui fait vivre la majorité des sites d'information en ligne. Alors ça fait mal de le dire, mais c'est comme ça. Un publiciste, c'est un salaud qui vend de la merde aux pauvres en les prenant pour des cons et qui appelle ça être créatif. Le monde scientifique néglige les animaux moches pour étudier les dauphins et les koalas. Il y a du monde, mais toute une variété de rongeurs et de chauves-souris passe sous les radars. Le scientifique peut donc être très subjectif. Oh là là, regarde la tête qu'il a, dit. Il ressemble à son père, il est moche, tiens. On a essayé de le placer, mais on n'y arrive pas. C'est comme aux trois Suisses, il le ramène toujours. Je peux quand même pas le piquer, non? Et moi, je suis accompagnée de celui qui, concernant l'information, a un seul objectif. C'est d'être subjectif. Et c'est Alex Vizorek. Bonjour, Charline Van Oudacker. Et moi aussi, j'ai fait comme ça. J'ai pris que les plus beaux chroniqueurs pour aujourd'hui. Les autres, on les a laissés sur le côté à 17h20. Il travaille depuis 4 semaines avec Joe Star et est toujours vivant. C'est dire si l'homme est capable d'apaiser toutes les tensions. Et c'est sans doute grâce à sa musique. Bonjour André Maloukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. C'est vrai, j'ai un peu des bleus sur le côté gauche, mais ça va. Écoutez, je vais vous parler d'un chanteur formidable. Pour moi, il est dans le top 5 des crooners. Il s'appelle Ray La Montagne. Et on va... Non, tout à l'heure. Ouais, oui, voilà. Non, parce que j'associe à... Oui, mais à non, tout à l'heure. Ray La Montagne, grand fan de Jean Ferrat. C'est ça. À 17h30, il est en lutte même quand il pleut. Et c'est ça qui est beau. Il ne fait pas partie de ces révolutionnaires héliotropes. Bonjour Guillaume Meurice. Oh là là, héliotrope d'entrée de jeu comme et ça. Et bim. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi, attention, je suis allé à une séance de dédicace du livre d'Hervé Mariton. Oh, et oui. Ah, bah wow, j'ai pas un métier facile. Swag. Alors il y avait des gens de droite, hein, bien sûr, mais parfois issus de familles aux multiples opinions politiques. J'ai des cousines qui sont Front National. Enfin, ça, c'est la France. Mais hein, c'est ça la France. J'ai envie de vous dire, bah, vive la France aujourd'hui. Et à 17h40, l'encyclopédie de cette émission. Sauf que lui n'est pas en 12 volumes et n'envoie pas des gens sonner à votre porte pour que vous l'achetiez. Bonjour Marius Colucci. Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du big data, de toutes ces informations qu'on laisse sur Internet et qu'on ne sait pas où elles vont. Ah. Internet, où nous sommes d'ailleurs sur Facebook et sur Twitter, hashtag annule tout, entre deux photos de manif avec les jeunes. Ouais, ouais. Aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous Giscard. C'est donc un jeune qui n'en veut. Vous sortez votre premier album, Repenti, en 2006. C'est l'année de la création de Twitter. Vous sortez votre troisième et dernier album en date en 2014, quand Manuel Valls déclare... J'aime l'entreprise. Et vous partez en tournée avec votre frère pour la pièce que vous avez écrite et jouée, qui s'appelle Bobine, en 2015, quand sort Le Réveil de la Force, le dernier Star Wars. Et vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Eh bien, je suis Renan Luce. Ah, oui, ouais, génial, ça c'est bien. Sur France Inter, Charline Van Oudacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Renan Luce qui est venu généreusement en camarade parce qu'il n'est pas en promotion. Et ça, c'est rare pour le dire. C'est de gauche, ça, c'est beau. C'est beau, c'est votre invitation du coup qui est sympathique. On avait envie de. On a pensé à vous. Voilà. C'est gentil. Vous étiez dans le radar. Vous n'avez pas des journées trop chargées. C'est vrai que finalement ça a bien occupé ma journée. C'est bien, merci. Mais justement, profitons-en pour en parler. Tiens, on a un artiste qui n'est pas en promotion. Donc on va savoir ce qu'il fait. Alors déjà, vous revenez de tourner, cette tournée avec votre frère et ce spectacle qui s'appelle Bobine, qui était entre le concert et le théâtre. Et vous allez le remonter. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai découvert quelque chose assez neuf pour moi avec cette pièce concert, ou ce concert pièce qu'on a monté tous les deux. Il s'agissait à partir de mes chansons, de raconter un peu notre enfance, la découverte de la musique. On a été baigné dans le piano d'abord, dans les chansons très vite, depuis tout petit avec mon frère. On a construit ça ensemble, puis un jour on s'est un peu perdu de vue. Lui, il est parti vers la musique classique, moi vers la chanson. Ah, quel instrument alors pour mon frère, pianiste. Pianiste, oui. Et donc, nos univers artistiques se sont un peu séparés et on a eu envie, l'année dernière, de se retrouver sur scène, de partager ce qu'on faisait enfant. Quand on était petit, on est dans le sous-sol de la maison, on branchait un micro sur une mauvaise chaîne IFI et on chantait pendant des heures. On a voulu retrouver cette... on a un meilleur micro quand même maintenant, le système d'amplification est correct. Mais on raconte tout ça, alterné avec mes chansons et puis des dialogues. Et vous avez retrouvé cette magie de l'enfance, de faire ça dans la cave avec de briques et de broc? Vous avez Il y avait une Madeleine de Proust comme c'est, ça. C'est assez marrant parce que moi je me demandais vraiment comment on allait réussir à vraiment travailler ensemble, à être tous les deux aussi heureux de d'amener ses propres idées, ses propres rêves musicaux ou artistiques. Et finalement on a retrouvé instantanément ce plaisir qu'on avait de jouer ensemble, qui est à la fois très sérieux parce que c'est notre passion et ça nous habite vraiment, et à la fois très léger parce que on est des frères et qu'on partage évidemment beaucoup beaucoup de souvenirs. André Manoukian. Oui, il y a une vraie mutation aujourd'hui dans la musique. Comme on vend plus de CD, ça nous oblige à être créatifs, et du coup cette créativité musicale elle s'exprime de plein de manières. Vous avez l'impression que vous êtes un petit peu dans ce courant là parce qu'on commence à produire des objets qui sont entre le one man et entre la musique. Être musicien aujourd'hui, ça ne suffit pas, il faut aller plus loin, il faut se réinventer quelque part. C'est vrai qu'on a vu éclore plein de projets comme ça, d'artistes qui ont monté des projets un peu hybrides, où il ne s'agit pas que de chanter ses chansons. Et d'une part, c'est vrai, peut-être que ça répond à un besoin d'être toujours en activité, d'avoir un peu une manière de travailler différente que juste enregistrer un album tous les 3 ans. Mais je dirais que c'est les bons côtés, justement. Mais oui, contre, ça fait découvrir d'autres choses. Exactement. Et on est vraiment dans un... Enfin, moi, je me sens dans un processus où finalement tout est possible maintenant, alors qu'avant, je rêvais déjà de rentrer en studio et ça me suffisait. Maintenant, je me dis, pourquoi pas faire autre chose, jouer, inventer, écrire des textes. Et donc, la prochaine fois qu'on vous entendra, ce sera de nouveau dans un spectacle avec votre frère? Vous préparez autre chose? Vous êtes dans quel processus? C'est dans le processus où tout est flou, mais c'est un processus que j'aime bien. Vous savez, c'est très tendance en ce moment, même au gouvernement. Oui, j'ai l'impression, effectivement. C'est le moment où justement, on sait qu'on a envie de remonter ce spectacle parce qu'on s'est tellement plu ensemble sur scène, ça nous a fait tellement de bien qu'on sait qu'on va le remonter. À la fois, on a envie chacun de faire nos activités. Donc lui, Damien et mon frère écrit beaucoup. Il fait il fait toujours beaucoup de piano. Maintenant, il écrit aussi des romans. Il a déjà fait 3 romans. Il met aussi en scène, il est aussi comédien, donc il fait beaucoup de choses. Donc il continue ça. Et donc l'idée, c'est justement de rassembler un peu toutes nos cordes à tous nos arcs et de monter quelque chose. Et on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, mais on est dessus. Et vous êtes en période de création de nourriture intellectuelle, vous lisez beaucoup. Donc d'où ma présence. je viens me nourrir, je vais repartir avec des idées. Des biscuits, mon gars. Il a plein de cordes à son arc et à sa guitare. Et tiens, si on écoutait Renan Luce, Appelle quand tu te réveilles, issu du dernier album, tu te donnes un tout petit poids. Appelle-moi quand tu te réveilles, je suis déjà dehors. J'ai bien suivi ton conseil, me suis levé à l'aurore. Et c'est vrai, ça a du charme, la vie, le petit matin. L'air est frais, ça donne des larmes qui sont pas du chagrin. Je garde les mains dans les poches, comme la nuit décline. J'ai cet air dans la caboche, dauphin de la place dauphine. Mais tu sais, c'est pas pour rien, si j'écourte mon sommeil. Je te dirai si t'y tiens, appelle quand tu te réveilles. Appelle quand tu te réveilles, moi ce que je... nostalgie que le temps des tricotes. Je sors les mains de mes poches pour attraper au vol les souvenirs qui ricochent du temps de nos amours folles. Mais tu sais que même froissé au fond d'une corbeille, je déplierai le passé. Appelle quand tu te réveilles, appelle quand tu te réveilles. Moi ce que j'ai sur le cœur, c'est pas le genre qu'on bégaye sur un répondeur. Appelle quand tu te réveilles, je pourrais plus me débiner quand il y aura ton oreille sur le combiné. J'arrive chez ta maman, je la connais, je me déconseille de sonner pour le moment. C'est là que tu te réfugies et ta mère qui est une lionne m'accueillerait à coups de fusil si elle voit que j'espionne. Du coup je me sens un peu con, Roméo de pacotille, quand je vois à ton balcon une lumière qui scintille. J'imagine, t'écoutes sûrement ma voix au téléphone, te dire que je m'en veux tellement. Appelle quand tu me pardonnes, appelle quand tu me pardonnes. Moi ce que j'ai sur le cœur, c'est pas le genre qu'on marmonne sur un répondeur. Appelle quand tu me pardonnes, je pourrais plus me débiner quand je saurai que tu te cramponnes sur le combiné. Appelle quand tu te réveilles parce qu'il faut aller à la manif. C'est allez, Roland Luce, allez les jeunes. Et Roland Luce est avec nous. Mais oui. Et c'est un extrait de votre dernier album qui s'appelle D'une tonne à un tout petit poids. Album sorti en 2014. Donc évidemment tout le monde est impatient et va vous mettre la pression pour les prochains. Mais je me la mets moi déjà tout seul, hein, tout va bien. Très bien, donc on va éviter. Plus, hein, non, je t'ai plus. Allez, bon. En attendant, un petit peu d'informations. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Journée de manifestation donc contre la loi El Khomri. Myriam, faites bien attention dans votre baignoire ce coup-ci. Hier soir, devant les membres du bureau politique de Les Républicains, Nicolas Sarkozy a parlé des attentats de l'hyper-Karcher. Pas de bol. Et pour terminer, pas de grève pour les brèves. Et c'est une grosse journée de grève dans les transports ferroviaires. Eh ben oui, donc aujourd'hui, si vous vouliez aller manifester contre la loi El Khomri, il valait mieux emprunter un autobus de la loi Macron. Loi travail toujours. Oui, hier, Myriam El Khomri a répondu aux questions de l'Assemblée quant au report de sa loi et il y a eu un petit lapsus. Et je pense que c'est le sens d'une gouvernance ouverte aussi de savoir prendre 15 jours, pour revoir avec l'ensemble des partenaires sociaux l'ensemble de cette démarche. Ben oui, revois donc l'ensemble pendant un petit 15 minutes, hein, c'est toujours une bonne idée. Voilà, et puis suite à ce lapsus, Patrice Vercher, un élu Les Républicains, a crié 15 minutes, douche comprise. La classe, je rappelle que hier c'était à l'Assemblée nationale aussi la journée du droit des femmes. Et donc on est dans les lapsus, Nicolas Sarkozy l'a marqué 1000 points. Ah, 1000 points hein, pour ce magnifique lapsus, les attentats de l'hyper-Karcher. Et pas de bol. Pas de bol. Ben du coup, la viande Karcher, qu'est-ce que c'est? C'est de la viande, mais vraiment très très propre. Technologie à présent, un super ordinateur a infligé une défaite à un grand maître de Go, les échecs japonais. Voilà, excusez-moi, mais c'est quand même con de créer des super ordinateurs pour battre un homme à un jeu. Est-ce qu'on ne créerait pas un super ordinateur pour battre un homme à la recherche du vaccin contre le sida? Je propose. Passons à une information environnement. Oui, info qui m'a déstabilisé. La peinture des bateaux met en danger la sexualité des escargots. Ah. Oui, ah. Alors une composante de la peinture, ça va intéresser Marius Colucci. Composante de la peinture anti-incrustation utilisée pour protéger les coques des bateaux perturbe l'équilibre hormonal des escargots de mer qui sont hermaphrodites et qui risquent la stérilité selon une étude de l'université de Colombie. Ah, et donc concrètement, alors, concrètement ça provoque une anomalie de la morphologie externe, un pseudo-pénis se développe. Ah oui, ça a l'air très pénible. Ah, oui, comment vous savez que c'est très pénible ça? Bah j'en ai connu des pseudo-pénis. Vous avez été avec Elton John vous? Bah non parce que... Oui, bah oui, pardon. Musique. Bref, on a appris aujourd'hui le décès de George Martin, le cinquième Beatles. Le cinquième Beatles. Imaginez quand ce gars draguait les filles à la sortie des concerts. Salut bébé, je t'offre un verre. Bah vous êtes qui? Je suis le cinquième Beatles. Bah c'est ça, prends-moi pour une conne. Et tu joues quel instrument? Oui, alors en fait, ça c'est. Ouais, bah ouais. Tu joues du pipeau, hein, pauvre mec. Voilà, triste vie pour cet homme. C'est pas bien ce que vous avez fait. Non, pardon. Non, oui. Vous êtes moqué. Puis je vous rappelle ce que disait le président de la Confédération Suisse ce week-end. Oui. Un rire cynique qui vise à tourner une personne en dérision. Ce n'est pas un bon rire, à mon avis. Pardon, c'est vrai que ce n'était pas un bon rire. Non, cinéma à présent. Oui, vous vous souvenez de Matrix? Bah oui, bien sûr. Donc, film réalisé par les frères Wachowski. Alors, quelques années plus tard, l'un des deux frères a décidé de changer de sexe. Comme les escargots. Voilà, pour le coup, je ne voulais pas faire le lien. Eh bien, depuis hier, l'autre aussi a fait son coming out et est devenu une femme. Eh oui, Matrix a donc été réalisé par les sœurs Wachowski. C'est ça. Et donc, changer de sexe pour un réalisateur, est-ce qu'on peut dire que c'est obtenir le director's cut vis-à-vis de ses parents? Peut-être. Et on termine par les médias. Oui, et dans une interview à Marie-Claire, Laurent Ruquier admet qu'il gagne beaucoup trop d'argent. Une façon polie de dire qu'il ne bossera plus sur France Inter. Où vous êtes arrivé, je ne sais pas par quel miracle, mais vous êtes là, il est 17h26. Et on est ensemble avec Renan Luce jusqu'à 18h. On va aborder avec vous le premier sujet, Renan. Bien, les jeunes défilent dans toute la France contre la loi El Khomri. Les jeunes veulent donc travailler. Mais nous, nous avons assisté à la contre-manifestation des jeunes et au discours de leur leader. Peut-être que certains d'entre nous passeront leur vie chez leurs parents, en slip, à manger des pizzas surgelées jusqu'à leur retraite. Ouais. Et certains d'entre nous ne feront jamais partie des forces vives de ce pays. Ouais. Et sûrement que certains d'entre nous passeront leur vie à ne jamais trouver du travail et à penser que Matrix, c'est pour de vrai. Et à regarder des pornos sur Canal sans décodeur. Ouais. Kiki. Ouais. Mais ça n'a pas d'importance. Parce que c'est la vie qu'on a choisie. Ouais. On ne laissera jamais personne décider de comment rater notre vie. Voilà. C'est Elie Semoun dans le film Cyprien. Renan Luce, est-ce que vous avez déjà manifesté ou eu des velléités de manifestation? Ah bah dans mes années lycée, oui, quelques petites manifs. Ouais. Qu'est-ce que bah c'était les lois. Qu'est-ce qu'on a? Il y avait dégraissé le mammouth aussi de Claude Allègre. Ah oui, bien sûr. 97 ou 98, je ne sais plus. C'était, ouais, vous étiez en rue donc au moment du lycée. Alors ça se passait à Morlaix aussi, c'est la petite ville, hein, c'était pas non plus les barricades, hein, c'était, ça reste assez calme. Mais à Morlaix quand on est trois, c'est une manif ou que, comment ça se passe? Peut-être un peu plus, hein, c'est une petite ville moyenne. Hein. On vient avec sa guitare alors quand on est Renan Luce? À l'époque, je pense qu'à l'époque, je n'osais pas encore sortir avec ma guitare. C'était remisé dans ma chambre encore, tout ça. Bon, on salue Morlaix quand même. Oui, bien sûr. On les aime, Non, parce que depuis, ils se sont rattrapés en manif, quand même. Je peux dire, avec les manifestations. C'est vrai, c'est juste. Alors que ce soit des jeunes, et notamment beaucoup, beaucoup de lycéens, est-ce que ça vous inspire une réflexion? Ce sont des jeunes qui ne connaissent donc pas encore le marché du travail, mais quand la jeunesse descend dans la rue, c'est quelque chose, non? À la fois, ça me fait presque de la peine. J'ai l'impression qu'ils sont déjà ultra angoissés de leur entrée dans la vie active et que bah, c'est une constante pour tout le monde. C'est la plus grande crainte de tous, c'est de se voir privé d'un travail. Mm-hmm. Et donc, j'ai l'impression que ça répond à tout ça, cette espèce d'angoisse. Je trouve ça tellement dommage à cet âge-là d'être déjà angoissé à l'idée de travailler. Vous aviez cette angoisse, vous, ou pas? Parce que j'ai vu que vous aviez fait une école de commerce. Alors moi, mais pas du tout. Le travail, pour moi, c'était à cet âge-là, au lycée, ou même après, ça me paraissait un truc, on verra plus tard, quoi, je me disais ça. Ouais. Et l'école de commerce, pourquoi? Parce qu'on parce qu'il y a des débouchés, on sécurise. C'était plus ça, c'est-à-dire que j'écrivais déjà des chansons, mais je me sentais pas non plus de partir sur la route avec ma guitare sur le dos, donc j'ai suivi après le lycée des copains qui faisaient ci ou ça, donc des copines, des copines évidemment. Et donc j'ai continué sans aller trop au cours, mais en étant toujours étudiant, quoi. J'avais ce côté un peu rassurant d'être étudiant et pas encore. Alors la jeunesse, c'était quand même une priorité. Voire la priorité de François Hollande. C'est foutu. Alors ça reste toujours un idéal d'aider la jeunesse. Et oui, là, c'est foutu. Et alors, vraiment, tout le monde sera descendu dans la rue. Il manquait plus que les jeunes. Hein. Et les chirurgiens esthétiques et les diamantaires, éventuellement, qui ne sont pas encore descendus dans la rue contre François Hollande. Mais il manquait les jeunes. Alors, est-ce que vous êtes vous faites partie de la marée? Est-ce que vous êtes un jeune? Je suis un peu sûr d'être dans les jeunes. C'est-à-dire que là, force est de constater que... Le fait d'avoir élu un président de gauche a l'air un petit peu loin derrière nous. Hein. On a quand même des preuves du contraire aujourd'hui. Donc oui, la déception, elle est là. Mais je sais pas, j'ai l'impression, j'ai de la peine presque pour lui aussi. Je me dis, mais quel travail aujourd'hui pour lui. Mais est-ce que ça vous inspire tout ça? Parce que bon, quand on a une guitare et qu'on aime raconter des histoires, le monde qui vous entoure, vous aimez bien raconter une histoire partant du très très quotidien. Et en fait, est-ce qu'à un moment vous dites, est-ce que j'ai envie de parler des grands problèmes du monde? Sur la loi au travail par exemple? Non, mais sur les jeunes, c'est ardu. Bah, pourquoi pas sur les jeunes dans la rue, sur le ouais, mais si, sur parce le que fait d'être mal moi aujourd'hui. Ce que j'aime, ce sont les personnages. Après, j'aime bien leur mettre dans les pattes une situation un peu imprévue. C'est ça qui m'amuse le plus. C'est de trouver un personnage qui m'inspire parce qu'il me touche, inventé ou pas, ou que j'ai croisé ou pas. Et lui, voilà, tout à coup, lui mettre un petit grain de sable dans sa vie et que son quotidien bascule. Genre un jeune qui trouverait un travail, ça peut être une situation un peu originale. Un truc un peu de dingue. Ouais. Ouais. Ronan Luce est avec nous. Et tiens, je vous citerai pendant l'émission le meilleur des slogans que j'ai lu sur le huffingtonpost.fr. Hein, je vous en fais un, par exemple. Nous ne sommes pas de la chair à patron. Elle est bien. Je vous en réserve 2-3 autres. Et en attendant, mon petit grain de bois annonce l'arrivée d'André Manoukian. Allez, un petit peu de recul. On va parler d'un symbole un peu bizarre. Un symbole, c'est quoi? C'est un support qui aide à la méditation, un objet qui invite à une forme de rêverie éclairée. On le fixe et on décolle. Vous avez des trucs qui vous font décoller quand vous fixez certains objets, les gars, autour de cette table, les filles? Non, pas trop. On n'a pas le droit d'en parler à la radio. Moi, j'avoue que parfois dans ce studio, en observant l'ourlet parfait des lèvres de Charline derrière son micro qui ressemble à celui de Nefertiti du musée égyptien de Berlin, ça m'arrive de décoller. Alors attention Dédé, une femme n'est pas un objet. Je parle d'un symbole, le juge qui me dit de vous dire ça, c'est pour ça. Pour l'heure, notre support méditatif est le titre du dernier album de Ray La Montagne, Ouroboros. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Un Ouroboros, c'est un dragon qui se mord la queue. On en trouve en Chine dès 4000 avant Jésus-Christ. Puis, par les routes de la soie, il se répand chez les Égyptiens au 17e siècle avant notre ère pour devenir un serpent qui se mord la queue. Je rappelle que dès la plus haute antiquité, on n'a pas attendu Internet pour se connecter et que la route de la soie, c'est un réseau plus lent mais plus costaud que la fibre optique. De l'Égypte, il passe au grec. Je rappelle en passant que Cléopâtre était une princesse gréco-égyptienne, de même que Dalida était une princesse italo-égyptienne. Des Grecs, on va lui donner son nom à ce fameux symbole, Ouroboros. Ouro en grec, la queue, boros, mordre. Ouros, c'est la queue, mais c'est aussi le pipi. De là, le peu de considération qu'ont les Grecs pour l'euro, on peut difficilement respecter une monnaie qui sonne comme l'urine. Bon, examinons le genre de rêverie qu'on pourrait avoir à la vue d'un serpent qui se mord la queue. Non, Alex, vous arrêtez tout de suite. Celle à laquelle vous pensez nécessite une souplesse que vous n'avez pas. On a retrouvé plus d'un optimiste. On a retrouvé plus d'un optimiste mort d'une fracture des cervicales en ayant poussé la méditation trop loin. Voilà. Je suis la seule fille dans ce studio. Hein, la première idée qui vient en voyant un serpent qui se mord la queue, c'est celle de l'autosuffisance énergétique. Il se nourrit de son propre fluide. Le rêve, l'autonomie complète, la taxe carbone au zéro absolu, le recyclage parfait et permanent, l'énergie renouvelable à l'infini, la métempsychose, l'éternel retour, le cercle parfait, cette figure géométrique qui n'existe pas dans la nature, sauf dans la crotte parfaitement sphérique du scarabée. Scarabée vénéré par les Égyptiens qui se dit en anglais « Beetle ». Qui n'a rien perdu de sa force, saluant au passage la mémoire du cinquième membre George Martin, l'arrangeur mythique des Beatles qui est mort ce matin. Des Beatles, on arrive à Ray La Montagne. Ah bah évidemment, sûr. Il a commencé comme eux, folk en grattant sa guitare, mais avec des ballades si puissantes pour exprimer son désespoir que ça vous filait une patate d'enfer, en même temps que des frissons dans tout le corps. Un peu comme quand je médite sur l'ourlet parfait des lèvres de Charlie. Et puis, au bout de quelques albums, la même problématique que pour tous les artistes se pose à lui. Ronan, je vous pose la question, comment rester soi-même tout en évoluant? Comment continuer à jouer d'un charme sans l'user jusqu'à la moelle? Et bien c'est là qu'intervient Ouroboros, l'homme se régénérant de lui-même. Un certain Dan Auerbach, leader des Black Keys, va apporter à Ray La Montagne dans son album précédent le changement qui va électrifier son charme grâce à des vieux riffs ravageurs de guitares saturées qui sentent bon la foufoune. Ray La Montagne, à la tendresse dévastatrice, nous fait dire que oui, une écoute de n'importe laquelle de ses chansons répétées ad libitum pourrait être une définition concrète du bonheur. De même que l'observance méditative de l'ourlet parfait des lèvres de Charline derrière son micro. Si on fait les deux en même temps, alors là je vous explique même pas. Je défaille. Pressures, qui est un petit peu notre devise dans cette émission. C'est Ray la montagne par André Manoukian et Renan Luce. Vous appréciez Ray la montagne, vous connaissiez. Ouais, j'écoutais beaucoup son premier album, ouais. Un peu et là, en boucle. C'est ouais. Différent. Bah, c'est vrai qu'il y a ce petite guitare électrique qu'il avait pas. C'est vrai que c'était il avait l'habitude d'être avec une guitare folle qui lui allait très bien, mais super sonorité, ouais, j'aime bien. Et donc des riffs de guitare qui vous avez dit Oui, enfin c'est une expression de rocker pour dire qu'ils ont du son, quoi. Mais si qu'ils disaient quoi? Bah, il faut pas que ça sente le savon. D'accord, c'est ça. C'est à écouter ad libido, quoi. Ad libido. Oh là là, oh là, là, là. J'attendais de la placer et je n'y arrivais pas. Ton testostérone aujourd'hui. Voilà. C'est la musique. Attendez, excusez-moi, mais la musique, ça n'est que de l'éros et de la spiritualité. Bah, sinon, oui. Vous n'aurez pas engagé. André Manoukian est là, Marius Colucci, Guillaume Meurice, évidemment, Alex Vizorek et notre invité, Renan Luce, est avec nous jusqu'à 18h. Il est venu, il passait par là. On est bien content. Écoutez, en camarade. Camarade. La grève. Et Guillaume Meurice est là. Oui. Et là, la contre-programmation, là où on vous attend dans le cortège, eh ben non, je vais rééquilibrer la balance aujourd'hui, Charline, parce que c'est pas un secret, les médias sont aux ordres de la gauche, on le sait, et France Inter en premier, on le voit bien avec Dominique Seux tous les matins, hein, qui se cache derrière un discours ultra-libéral, mais qui est trahi par son haleine d'anarchiste. Oui, non, c'est gratuit, mais c'est comme ça, je suis énervé, voilà, ça m'énerve, parce que des feignasses qui gueulent dans la rue, ça fait l'ouverture des journaux, mais tout le monde est passé complètement à côté d'une info essentielle, vous savez laquelle? Non. Bah voyez, vous savez même pas, voilà, mais évidemment vous êtes passé à côté, la sortie en librairie du livre d'Hervé Mariton. Le printemps des libertés, ben le oui. Le printemps des libertés. Bah voilà, et ben alors heureusement que je suis là pour en parler aujourd'hui. Je suis même allé à sa rencontre et à la rencontre de ses admirateurs à la librairie Albin Michel, où il dédicaçait, c'était la folie, Alex. Je vous ai pas vu d'ailleurs, j'étais un petit peu déçu de pas vous voir. J'ai pas trouvé. Mais Hervé était là, il dédicaçait son bel ouvrage. C'était à Saint-Germain-des-Prés donc. C'était à Solferino, librairie Albin Michel. Ouais, c'est pas près de Saint-Germain, ouais, c'est vrai, provocation. J'ai rencontré un de ses électeurs qui se définit comme ceci. Un fan de Mariton depuis très très longtemps. Un fan de Mariton, carrément. Oui, carrément, parce que j'ai suivi ce qu'il a fait, je suis aussi ce que font les autres. J'ai lu les bouquins de Fillon, de Sarkozy, etc. Vous voyez, mon bouquin, là, il est complètement annoté déjà. Ah oui, vous l'avez déjà lu, relu. Sensationnel, vraiment, alors... c'est extraordinaire. Ça va faire du bruit dans la presse. Ça, là, là, franchement, ce livre-là, ça décoiffe. Eh ben, ça décoiffe. Ça décoiffe quand il va vous péter à la gueule le livre de Maritoche. Ça décoiffe à la Juppé. Vous quoi, allez faire moi, là, attention, vous allez faire moi les malins. Ça va décoiffer, hein. Alex, votre couple de prince de Lu, ça sera terminé. Dédé, faudra vous coiffer avant. Par contre, pour que ça vous décoiffe après, sinon ça marche pas. Non, mais c'est vraiment un truc de fou furieux, ce bouquin. Alors pourquoi? Parce que évidemment, dedans, il y a des propositions d'Hervé Mariton. Et oui. Et alors, elles sont comment? Il a des propositions qui sont vraiment décoiffantes. Hein. À ce point-là, lui, la flat tax, par exemple, en matière fiscale, c'est-à-dire imposer tout le monde à un taux unique. Les riches comme les pauvres. Nabatéens. Ah oui, les Nabatéens taxaient plus les pauvres que les riches, avec le raisonnement suivant, s'ils sont pauvres, c'est qu'ils se sont mal démerdés. Ah oui, ça décoiffe. Ah oui, c'est bien décoiffe. Ça. Alors là, ça décoiffe. Ouais, ça décoiffe. Les Nabatéens. Non, mais oui, les Nabatéens. Je vous ai dit qu'il fallait avoir la civilisation qui n'existe plus. Voilà, donc, qui est morte décoiffée, certainement. Hein, parce qu'il y a beaucoup des impôts. Beaucoup de décoiffage. Alors moi, je vous dis aux pauvres, les pauvres qui nous écoutent, ne vous rasez pas la tête tout de suite, parce que quand Hervé sera au pouvoir, vous allez être obligé de revendre vos cheveux pour payer vos impôts. Ça va bouger, hein, ça va bouger avec Hervé, hein, je vous le dis. C'est un gars qui aime le changement. C'est cet autre fan qui me l'a dit. Si on veut faire du changement, il faut savoir prendre un certain nombre de décisions et s'y tenir. Donc si on veut du changement, il ne faut pas changer. Mais sinon... Est-ce qu'il faut de la continuité dans l'envie de changement? C'est ça la question. Oui, voilà. Non, mais parce que c'est pas évident. Attends, c'est pas évident, c'est complexe, hein, la pensée des fans d'Hervé Mariton. Hein, c'est révolutionnaire, hein, ce qu'il propose. Donc, vous avez compris, il faut rien changer au changement. Il faut s'imaginer dans une sorte de mouvement immobile, voyez. Ah oui. Non, vous êtes pas prêt. Vous êtes pas prêt. Non, mais je sens, je comprends. Vous feriez quand même bien de vous préparer parce qu'Hervé Mariton, il va faire quoi selon cet autre électeur? Hervé Mariton, qui à mon avis va faire une percée dans les mois qui viennent. Vous êtes sûr de ça? J'en suis sûr, oui. Mais alors une percée, ça ne veut pas dire qu'il va faire... Mais à la primaire, il ne va pas faire 1%, ça c'est sûr. Une petite percée, alors. C'est ça que vous voulez, mais si. Une percette. Ah oui, certainement. J'en suis absolument convaincu. Mais évidemment, on est tous convaincus. Une percette fracassante qui va tout bousculer sur son passage. Enfin, pas vraiment bousculer, mais qui va déplacer délicatement des trucs sur son passage. Enfin, vous voyez, il faut s'attendre à un séisme politique. Enfin, une vibration, il faut s'attendre à un frissonnement politique. Enfin, Hervé, il rassemble, je vais vous dire, tous les âges. Il y avait, par exemple, deux jeunes filles très touchantes, comme ça, près d'elles, le livre d'Hervé à la main. Hey, Justin Bieber, prends garde à toi, hein, Hervé est là. Allez, allons voir ces jeunes filles, qui sont-elles? Je suis sa fille, en fait, donc je soutiens. Mais non. Et à côté, vous avez la cousine, donc voilà. La nièce. Ah, donc toute la famille Mariton est là. Ça va la nièce d'Hervé Mariton? Ça va très bien, merci France Inter. Mais attends, ça veut dire que là, c'est que la famille d'Hervé Mariton, si ça se trouve, du coup? Bah, dans ce cas-là, je ne les connais pas tous. Hein. Mais il serait peut-être temps de faire connaissance, ma petite, hein, faire connaissance avec l'ensemble de la future famille royale. Et d'ailleurs, allons voir le patriarche de cette belle famille, le héros du jour, Hervé Mariton. Alors, monsieur Mariton, ça vous fait quoi d'être une rockstar comme ça? En tout cas, je publie un livre. Il y a de nombreux exemplaires commandés par la librairie. Ça ne suffit pas, donc il a fallu en chercher davantage. C'est fou, ça? Ce succès vous étonne? Non, mais ça me fait plaisir. Bah, évidemment qu'il n'est pas étonné par le succès. Hein. Quand on sort un chef-d'œuvre, on est au courant. Quand on est un leader révolutionnaire, on le sait depuis tout gosse, c'est comme ça, évidemment. Hervé, il a des idées de réformes révolutionnaires sur tous les sujets. Sur les questions d'économie, sur les questions de société, oui, les réformes qu'il faut mener, il faut pousser le curseur à fond. Bon, là, vous n'avez plus de limites, alors vous êtes un déglingo. Ah, c'est pas qu'il n'y a plus de limites, il y a toujours des limites. Ouais, il faut des limites quand même dans cette insurrection qui vient... Enfin, qui vient juste après qu'on ait garé la Jaguar et terminé la partie de bridge, mais qui vient quand même, parce que vous allez voir, sa campagne va vous laisser sans voix, même si c'est pas impossible qu'il en récolte pas beaucoup non plus. Mais Mariton. Guillaume Meurice, merci. C'est pas sympa ce que vous avez fait. Le président suisse a appelé pendant votre chronique, il a dit... Un rire cynique qui vise à tourner une personne en dérision, ce n'est pas un bon rire, à mon avis. Ce n'est pas un bon rire que vous avez fait. C'est un bout en train, ce type, quand même. Vous êtes sur France Inter et nous sommes en compagnie de Renan Luce, qui nous fait l'amitié de passer nous voir. Et on va aborder avec vous le deuxième sujet, Renan. Les sites internet nous abreuvent de publicité. Alors, on a inventé les logiciels qui bloquent les pubs. Alors, les sites internet ont disséqué les logiciels pour que les pubs passent à travers. Et ainsi de suite. La pub a intégré nos vies, elle a donc intégré un petit peu le logiciel humain. Je t'en prie, laisse-moi t'apporter mon aide. Tu vas mal. Je vais te préparer une bonne tasse de mococoa. Le cacao naturel entièrement récolté à la main sur les pentes du mont Nicaragua, sans édulcorant de synthèse. Mais qu'est-ce... De qui tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai goûté d'autres cacao. C'est le meilleur. Non mais attends, qu'est-ce que ton cacao vient faire dans cette situation? Explique-moi, s'il te plaît! Vous avez reconnu ou pas? Non, Truman Show. Oui, Truman Show avec Jim Carrey. Deux points autour de la table. Voilà, alors c'est un article dans Télérama qui parle de ce fameux logiciel qui s'appelle Adblock et qui est utilisé déjà par 10% des internautes français et qui permet de bloquer ces 20 ou 30 secondes de publicité qui sont devant les vidéos et qui agacent beaucoup de monde. Je ne sais pas si vous l'utilisez, vous, ce logiciel non, de blocage. Non, j'attends de pouvoir cliquer, passer la... Ah oui, skip exactement. Passer la comme tout le monde. Comme tout le monde. Et pourtant, problème, et je vous avoue l'avoir... c'est vrai que je n'ai pas fait le rapprochement, mais c'est vrai, les petits éditeurs voient leurs recettes fondre comme neige au soleil. Et par exemple, sofoot.com, si vous avez mis ce logiciel Adblock et que vous essayez de bloquer la pub, il y a un message qui arrive et c'est alerte au bloqueur pour dire ça nous arrange pas parce qu'il n'y a pas de recette. Et c'est vrai que l'idée de cette gratuité de l'information, il y a un moment, s'il suffit de regarder une pub pour avoir de l'information et payer les gens qui la font, la force du capitalisme. Mais oui. Alors cette question me tient toujours beaucoup à cœur avec les invités Renan Luce. Est-ce que on peut pirater vos albums? je finis la question. C'est facile. Non mais voilà, j'imagine que vous avez conscience de ça et que l'information elle peut pas être gratuite tout le temps. C'est comme vos chansons, elles peuvent pas être gratuites tout le temps. C'est vrai que moi je suis pas très pour cette manie qu'on a de plus vouloir rien payer du tout. Je déteste évidemment cette pub imposée. Donc moi, je suis plutôt pour les systèmes d'abonnement et pour peu que les créateurs soient rémunérés pour ça, quoi. Ce qui n'est pas le cas du tout pour l'instant. Par exemple, on pourrait bloquer les pubs, mais verser une obole. Parce que sur SoFoot, on peut s'abonner ou pas? Alors, peut-être bonne pas sur leur site internet, non. Mais Mediapart, par exemple, oui. On s'abonne vraiment. Oui, pub, mais là, c'est parce qu'il n'y a pas de pub. Ouais. Mais c'est ils vivent de l'abonnement. C'est bien. Moi, oui, alors il y a ceux qui peuvent vivre de l'abonnement et qui sont totalement indépendants. Et puis il y a ceux qui ne peuvent pas. Je pense que le point.fr aussi a fait un petit message comme ça. C'est Adblock qui pourrait être payant. Oui, alors justement, je vous renvoie cet article de Télérama parce que le logiciel Adblock Plus est un malin. Il monnaie un passe-droit pour certaines entreprises qui pour qu'elle puisse passer entre les mailles du filet. Et Adblock prend 30% au passage. Ça change un petit peu la vision qu'on a de l'anti-pub. Mais ils ont le droit de faire ça, ça me paraît bizarre quand même. Apparemment, c'est légal, parce qu'en Allemagne, il y a un journal qui a essayé de porter plainte. Et la justice allemande a trouvé qu'il n'y avait rien d'illégal dans l'activité. Donc bon, certainement à suivre. Mais voilà pour ce sujet. Donc autant regarder une pub et quand même la passer et alimenter les sites d'information pour avoir une information bien faite. C'est-à-dire, Charline, vous êtes en train de nous dire que maintenant, regarder la pub, ça devient un acte militant. C'est quand même... Ça craint grave. A priori, ils vont peut-être aussi trouver des solutions pour apporter des informations gratuites sans avoir à passer par la pub en trouvant d'autres moyens. Je trouve que ce serait bien aussi de convaincre les gens que c'est peut-être pas si mal de donner un peu d'argent pour les gens. De payer pour une information et pas de payer pour voir une pub qui permet d'avoir une information. On est énervés, ça y est. Il fallait inviter Renan Luce, il a des bonnes idées, mais bien sûr, voilà. Et Marius Colucci est à vos côtés. Ses amis l'appellent Colucci. Wikipédia. Et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Et justement, je vais parler un petit peu de la pub, puisque je vais parler du Big Data. Alors le Big Data, c'est toutes les informations personnelles qui sont récoltées sur Internet sur chacun de nous. Pour mémoire, quand vous cliquez sur Internet sur un lien, il y a 250 informations qui sont enregistrées. Quand vous appelez depuis un téléphone portable, il y a 400 informations qui sont relevées. Et si vous avez une montre connectée type iWatch, vous donnez des milliers d'informations par jour. Ah là là là là. En 2013, il y a eu plus de données collectées que dans tout le reste de l'histoire, et depuis, ça augmente chaque année. Aujourd'hui, on connaît tous vos déplacements, on peut même retracer votre itinéraire de la journée. Notez ça, Alex Vizorek. Oui. Donc si vous êtes allé voir votre amant entre midi et deux, Charline, on le sait. Quoi, Charline? Et d'ailleurs, ils sont même en train de développer des systèmes de reconnaissance faciale pour vous espionner partout dans la rue. Avec les caméras de surveillance, ils pourront savoir que c'est vous qui êtes en train de rentrer dans une porte. On connaît aussi tous vos amis. On connaît aussi tous vos amis via les réseaux sociaux, tous vos centres d'intérêt. Même ceux que vous dites à personne, comme vos fantasmes, quand vous allez sur les sites porno, par exemple, Alex. Pas être déçu. Au hasard. Et finalement, on sait plus de choses sur vous sur Internet que votre propre conjoint, quoi. Alors, à quoi ça leur sert toutes ces données? Donc, officiellement, ça sert à établir un profil psychologique pour vous proposer des services personnalisés, comme des exercices physiques adaptés à votre style de vie. Mais ça sert surtout, justement, à faire de la publicité. De la publicité ciblée. Leur dernière lubie, par exemple, c'est si vous êtes fanatique de chaussures, quand vous passerez à proximité d'une boutique de chaussures, on vous proposera directement des coupons de réduction sur votre téléphone pour aller acheter les chaussures dans la boutique en question. Parce qu'évidemment, le but, c'est de vous faire consommer encore et encore et toujours plus. Comment vous croyez qu'un site gratuit comme Facebook gagne de l'argent ? En vendant vos informations personnelles à des publicitaires. Ils annoncent qu'ils peuvent gagner 5 dollars par profil et comme ils ont 1,5 milliard de profils, ils gagnent 7,5 milliards de dollars. Je me désabonne. Et quand vous postez une photo sur Facebook, d'ailleurs, cette photo appartient à Facebook. Et ils peuvent s'en servir pour faire de la pub. Peut-être qu'en Amérique du Sud, il y a des pubs avec vos photos de vacances où vous êtes sur la plage, topless avec vos enfants. Topless, on peut pas sur Facebook. Ah oui, attention, un petit peu. Il faut les surveiller. Alors, ça peut être une solution d'ailleurs pour pas avoir ces photos utilisées. C'est d'être absolument topless tout le temps, soyons vous naturistes. Vous avez essayé Comment vous savez J'ai refusé, pourtant je trouvais que c'était joli. Et bien sûr, ils ont tout à fait le droit, hein, parce que c'est marqué dans les conditions générales. Vous savez, c'est ces trucs qu'on ne lit jamais et on coche j'ai lu et j'accepte. À partir du moment où vous avez coché cette case-là, ça veut dire que vous acceptez, donc vous ne pouvez absolument plus rien dire. Alors, nous, sur ce travail, sur ce domaine des big data, d'exploiter les données, en Europe, on est assez balèze. Et c'est plutôt une bonne chose, parce que, comme en Europe, on est très attaché à la protection de la vie privée, on va pouvoir protéger un petit peu plus, justement, cette vie privée, et pas se faire imposer des règles par des puissances étrangères, comme la Silicon Valley, ou en Asie, aux États-Unis. Ils sont pas du tout ouverts, ils s'en foutent assez volontiers de la liberté personnelle. Parce que, quand George Orwell a écrit 1984, où il imagine un dictateur nommé Big Brother qui espionne tout le monde, on s'est tous dit, ah non mais ça, c'est sûr, ça va arriver, il faut qu'on fasse gaffe. Et si un gouvernement s'amusait à récolter ce genre de données, on serait tous dans la rue pour manifester contre la dictature. Mais quand c'est une entreprise commerciale qui le fait, on dévoile notre vie entière, tout à fait spontanément et en souriant. On sait exactement tout ce que je fais de ma vie. J'aime. On connaît tous les gens que je rencontre. J'aime. On sait parfaitement tous mes centres d'intérêt et mes passions, même les plus secrètes. J'aime. On lit tous mes mails que j'envoie à mes amis et à mes proches. J'aime. On me bombarde de pubs et de promotions pour que je consomme toujours plus. J'aime. Big Brother, c'est mon meilleur ami. J'aime. Je parle. Partage. Eh oui, Marius Colucci. Manuel Valls pourrait dire j'aime Big Brother. J'aime Marius Colucci. Merci Marius. Mais je vous en prie, c'est le bon moment de répéter où est-ce qu'on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux. Sur franceinter.fr, après une petite pub, voilà, c'est comme ça. On est avec Renan Luce qui est avec nous et on va aborder le troisième sujet. Je pense qu'on pourrait demander comme joker Marius Colucci sur ce sujet parce que je sens qu'il est très fort. D'après un article publié sur Slate.fr, les animaux jugés repoussants sont moins étudiés par les scientifiques. Donc on manque de connaissances sur eux et ça nous empêche de limiter leur disparition. En revanche, quand les animaux sont mignons, ça rend con. Clara, on nous l'a donné au Québec. Ouais. Donc elle est arrivée, on en était fous tout de suite. Mignonne. Et alors pour des raisons extraordinaires, l'autre est fou d'amour pour sa grande copine. Et heureusement, elle n'a pas encore compris comment on faisait des bébés. Il s'énerve énormément sur son oreille, qui est un truc. Oui, et elle est placide. Et elle est d'une placidité totale. Hein, on est tout enregistré. Oui, c'est enregistré sur le site Femme Actuelle. Nicolas et Carla, un moment d'anthologie. Finalement, si les animaux moches disparaissent, le monde est plus beau, non ? Je sais pas. Trêve de plaisanterie. Slate relaye une étude publiée dans la revue scientifique Mammal Review. Je ne sais pas si vous la lisez, vous, Marius Colucci. Si, tout ce qui parle de mammal. Je me suis dit, c'est étonnant parce que les animaux moches qui sont moins étudiés, c'est étonnant peut-être de la part de scientifiques, c'est-à-dire qu'il y a une grosse part de subjectivité, qu'il y a un jugement sur le beau, le moche. Moi, ce sujet m'a interpellé. Je ne sais pas si vous, ça vous interpelle, Renan. Mais c'est vrai que c'est assez fascinant et je vois que la vie est une jungle, même pour les animaux moches. Ça me fait de la peine pour eux. Oui. Mais si dit, moi, je vois une photo de chauve-souris devant moi, je trouve ça assez mimi. Oui, c'est quand même super subjectif. Pourquoi un chat c'est beau et... Alors, ils sont classés apparemment. Il y a des points. Alors il y a les bons, il y a les cons. En Australie, je vous parle. Oui. Hein, vous comprendrez pourquoi. Il y a les bons, c'est les kangourous et les koalas, par exemple. Joli, il y a les espèces dites invasives, lapins et chats. Et il y a la catégorie des moches, qui ne sont pas du tout étudiées, qui sont les chauves-souris, enfin, ou très peu étudiées, et les rongeurs, mais c'est 45% de la faune australienne. Et figurez-vous que si les scientifiques commencent à les étudier et veulent faire des articles, bah, ils ne seront pas publiés parce que les animaux sont moches. Incroyable. Discrimination. C'est la dictature de la beauté, tout simplement. Et alors, à l'inverse... Et nous, on lutte contre ça, parce qu'on est moche. Il y a un problème qui se passe pour WWF, dont l'icône est le panda. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, le panda, il refuse de se reproduire et il va sans doute disparaître. Et ça coûte une fortune de continuer à faire vivre cette espèce. Mais comme c'est l'icône de WWF, ben ils peuvent pas couper les crédits. Ah oui. Mais franchement, avec ces crédits, on pourrait sauver plein d'animaux. Bah, sinon, les rats sont disponibles. Hein, comme ouais, logo, il y a aucun souci. Il y a mon philosophe préféré qui adorait l'animal le plus moche qui soit, Gilles Deleuze, était fan de l'attique. L'attique, parce qu'il disait, dans les milliards d'informations qu'il y a dans la nature, elle en choisit trois pour faire son monde. La lumière pour aller au bout de la branche, l'odeur pour sentir l'animal et cesser de tomber, et la chaleur pour aller sur le sang. Et il disait, c'est avec ça qu'elle fait son monde. Il y a tellement de gens qui n'ont pas de monde. L'esthétique de l'attique, c'est beau, magnifique. Non ? Magnifique, je sentais qu'il fallait traiter merci ce sujet. Gilles. Mais voilà. Merci Gilles. Merci Gilles. Mais voilà, appel à l'équipe. Alex Vizorek, vous avez une proposition. Est-ce que vous acceptez de jouer votre propre rôle ? Et vous, je vais faire de mon mieux. Et je vous le dis comme ça, vous êtes inscrit à un nouveau télécrochet. Et André Manoukian, comme par hasard, est dans le jury. On y va tout de suite. Bienvenue dans la nouvelle star des chansonniers. Candidat suivant, s'il vous plaît, vous vous appelez comment ? Renan Luce. Ah ouais, si vous voulez être connu, il faudra changer ça. Mais quoi, c'est pas bien ? Bah Renan, ça rappelle la dissonance karmique des Indiens Navajo quand ils vidaient les truites au 19e siècle. Vous voyez ce que je veux dire ? Non. C'est pas grave. Allez, le jury et moi, on vous écoute. Vous connaissez Bernard Mabi, Jean Roucas et Jean Amadou. Mais il est mort, Jean Amadou. Bah, c'est pour ça qu'il bouge pas. Allez, première chanson. Bon, je vais commencer par une chanson hommage au Front National. J'ai toujours préféré à Marion la Marie, dont les cheveux tout blonds me donnent envie de voter. J'aurais pu en parler à ma copine Nadine, qui a une amie noire, elle fait que le répéter. J'ai toujours préféré à Marion la Marie. Arrêtez. Avec les paroles, ça va, mais l'air, c'est très moyen. Ah bah dis donc, vous avez un sacré flair. Tu penses que c'est moi qui ai trouvé Jonathan Serrada. T'as autre chose? Ah bah oui, bah attends, j'en ai une sur François Hollande. Allez. Je suis un social-démocrate depuis le début de mon élection. Entouré par des technocrates, je sens qu'on me prend pour un con. Moi j'aurais voulu qu'on me classe entre Jaurès et Mitterrand. À gauche, je suis le dernier de la classe. Entre Madeleine et Talleyrand, repenti, j'ai trahi. Oh là là, mais c'est hyper triste ça. Vous trouvez ? Non, un grand chansonnier, ça virevolte. Vous avez rien de plus péchu ? Ah bah si, ah bah c'est sur Nicolas Sarkozy. Allez-y. J'ai explosé la dette, il y a 5 ans peut-être. Pas plus de travailleurs, mais bien plus de chômeurs. À faire mon gros malin sur le yacht des copains. J'aurais dû cette dette la réguler peut-être. Mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Veux bien qu'on me nomme président, empereur ou bien dieu. J'adore. Oh, oh merde, Jean Amadou. Alors là, formidable, et on vous avait pas donné le texte avant. Je connaissais les pédales. Oui, la musique, vous la connaissiez, oui. C'est même donc, de ah vous. Oui, donc c'est fort, parce que c'est vrai qu'on ne donne jamais à l'avance le sketch. Là, on a failli, et puis non. On s'est dit non, on l'a senti, on s'est dit lui, c'est un homme sans filet. C'est Renan qui a dit qu'il aimait les surprises lui-même. C'est très très fort. Et vous voyez la chanson politique, finalement, chansonnier, c'est un truc. Du coup, il y a quelque chose qui vient de me traverser. Ça y est, alors. Vocation est née à 17h50. J'étais sûr que je vienne. Écoutez, on attend impatiemment. On est ravis. Venez pour l'album. Et en attendant, mais vous allez retravailler donc un petit peu avec le frangin, sans doute non pour. Ah bah oui, on écrit, on évoque des souvenirs. On écrit un peu dans tous les il sens. Il va revenir un peu. Il va arrêter de glander pendant 2 ans. Mais vous savez, il est tué à un moment. Mais non, mais Renan Luce, il a besoin d'un processus créatif, sûr, de se nourrir de choses. Il lit, il écrit. Non, évidemment, vous aurez qu'il écrit en 3 secondes sur un coin de table. Vous dites. Il y a du déchet. Alex, il s'est nourri de sa propre semence comme l'ouroboros. Merci infiniment, Renan Luce. On était ravis. Merci vous êtes passé en camarade et ça, on aime le souligner parce que ça, c'est très très chouette de votre part. Avec plaisir. Très bon camarade d'ailleurs. Merci à tous autour de cette table. Ce fut un plaisir. On se retrouve demain. Bah, ce soir, Alex, vous filez au théâtre de la Pépinière. J'y vais. Et il y a même Marius Colucci qui va vous suivre parce qu'il vient vous voir ce soir. Attention, pression. Attention, les filles, allez-y. Allez, le mot de la fin, un candidat, non pas du tout, à la manif, aux jeunes. Allez hop. Je vais te dire un truc, mon Lolo. C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là, on va la gagner.